Si tu écoutes, j'annule tout. Charline, Alex à l'abri des rafales de vent, bien au chaud à la maison de la radio, vous recevez ce soir Emma de Caunes. Oui, vous êtes bien informée. Bah bonjour. Voilà. Top crédibilité. Ça, là, qui savent tout. Hein. Merci pour ces informations. On prochain n'est pas journaliste point. Pour rien. Mais bien sûr, évidemment. Prochain point sur l'information à presque 17h17. Avant, bon, quelques blagounettes à 18h hein, pour le prochain flash et le prochain journal. Il prépare, demain on prépare. Écoutez, bien. Merci, écoutez ciao. Comment nous avons préparé cette émission ce matin. Salut les amis. Salut Charline. On reçoit qui aujourd'hui? Qui? Emma de Caunes. Emma de Caunes. Très bien. Bon alors le sujet. Bon, on n'a pas besoin de sujet. On a Emma de Caunes. Ça va être long aujourd'hui, Il y a un sujet sur Varoufakis. Sûr, on a une émission de gauche, on parle de Varoufakis, bah, bien sûr. Tu préfères qu'on parle de quoi? Emma de Caunes, elle est là. Varoufakis, ça serait un sacré coup de bol s'il passait dans l'émission. Ah Alex, t'es lourd là. Bon alors sujet 2. Les 30 ans des Hard Rock. Ah ben voilà, ça c'est un bon sujet. Tu vois, mais si sur l'évolution de la critique rock sur ces 30 dernières années. Oui, Charline, sous prétexte que tu as fait la couve des Hard Rock il y a pas longtemps, tu veux rendre Non, ça n'a rien à voir. Non, mais t'as un meilleur sujet peut-être. Le magazine lui, c'est un bon magazine lui. Ouais, bien sûr. Voilà pourquoi tu demandes à l'invité si elle veut faire la couve de lui, bien sûr. Pas du tout. J'axerai sur l'évolution de la critique de l'esthétisme féminin sur les 30 dernières années. Ne l'écoutez pas. Il nous manque un sujet en plus. Les hôtesses de l'air de British Airways peuvent enfin mettre des pantalons. Ah oui, voilà. Voilà un sujet sur lequel j'ai envie d'avoir l'avis de l'invité. Ah bien. Sur l'évolution de la critique de la jupe sur les 30 dernières années. Il m'énerve. Bon, tu sais quoi, là, tu l'as bien cherché. Je t'interdis d'intervenir face à Emma de Caunes. Voilà, si tu t'occuperas de l'invité de demain. C'est qui l'invité de demain? Thierry Lhermitte. J'adore. Je vais pouvoir lui parler de l'évolution de l'esthétisme, de la séduction dans les clubs de vacances sur les 30 dernières années. Tu te rends compte? C'est ça. Et moi, je lui parlerai de Varoufakis. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui rencarde l'actualité en terrasse et voici les trois informations qui finiront bourrées à 18h. Yanis Varoufakis est de retour et lui, il n'a pas changé. Il a donné rendez-vous aux activistes européens anti-austérité sur les terres de la chancelière. Il se pose en héros de plus d'un peuple et c'est beau. Il est tellement mignon avec son petit discours, son petit bras levé, camarade. Les hôtesses de British Airways viennent de conquérir un droit, celui de porter le pantalon. Il aura fallu 2 ans de lutte syndicale acharnée avec ce type de discussion. Sous votre respect, M, je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut dans le pantalon pour faire votre boulot. Peut-être pas, mais c'est mieux que d'avoir tout dans la culotte et rien dans la cervelle. Les Inrocks ont 30 ans, le magazine qui a inventé le mot presque branchitude avant Ségolène Royal. C'est l'hebdo qui nous renseigne sur ce qu'il serait de bon goût d'écouter, même si ces derniers temps, la critique rock est un petit peu légère, non? YouTube va faire un concert sur YouTube. Oui, youpi. Et je suis accompagnée de celui qui en est resté aux critiques punk de Pascal Sevran, mais qui est quand même très à la mode puisqu'il est décomplexé. C'est à la mode d'être décomplexé. C'est à l'épisode. Oui, vous faites une excellente promo de moi aujourd'hui. Bonjour Charline Vanhoenacker. Oui, je suis le plus à droite de l'émission, mais c'est pas si compliqué, je veux dire. Et aujourd'hui, une belle équipe autour de la table à 17h20. Eh bien, hier, j'ai beaucoup aimé sa chronique car elle parlait de rap français et égotrip. Alors, je me demandais, quand comme moi, on est vraiment le meilleur, est-ce que c'est de l'égotrip ou de l'honnêteté? Bonjour Mélanie Bauer. Faut du second degré hein, pour l'égotrip. C'est pas ce que c'est. Aujourd'hui, je sais bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment c'était mieux avant. C'est un thème récurrent. À 17h30, lui, c'est le meilleur d'entre nous. Et comme Chirac ne sait plus exactement plus de qui il parlait en disant cette phrase, bien sans doute, parce qu'il parlait de Guillaume Meurice. Bonjour. Bonjour, merci Alex Desarecs, merci. Et bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je me suis rendu à l'Assemblée nationale ce matin pour avoir des explications sur la désertion de l'hémicycle lors du vote sur l'état d'urgence. Nous, les députés, on chasse en meute. C'est-à-dire qu'on se... Vous êtes des loups? Et c'est un vieux loup. Et à 17h40, il est réalisateur dans la vie. Et c'est fou parce que ses films sont parfois moins longs que certaines de ses chroniques. Bonjour Thomas Bideguin. Bonjour. Et aujourd'hui, oui, 19 ou 20 minutes sur le niveau de réalité. Très bien, Allez, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour Un frère de Sylvie Vereid en 98. Ah, 98, une bien belle année pour la France, rappelez-vous. La France passée aux 35 heures. Vous présentez la musicale sur Canal+, en 2004, quand les choristes sortent au cinéma. Et on peut vous voir dans la série Lannister avec Richard Berry depuis 2014, quand McCarthy installe un plug anal de Noël sur la place Vendôme. Et vous êtes, vous êtes, vous voulez tout dire, vous êtes... Emma de Caunes. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Emma de Koun qu'on peut voir. Alors on peut en voir au cinéma, à la télévision. Hein, je peux rien dire, je peux rien dire. C'est con que je puisse rien dire, mais j'ai des compliments à faire. Moi, mais... Je prends la main. Emma de Koun. C'est oui. On peut vous voir au théâtre, même ce soir si on veut. Par exemple. Dans La Rivière de Jess Butterworth. C'est à la Comédie des Champs-Élysées, le soir à 20h30. En matinée le samedi à 16h, c'est avec Nicolas Briançon, Anne Charrier et Clara Huet. Et je vous propose d'abord peut-être de camper le décor parce que c'est la première chose qui happe le spectateur qui arrive dans la salle. La particularité, c'est que dès qu'on arrive dans la salle, on est hameçonné par l'ambiance. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Ah, zut. C'est merveilleux. Non, non, hameçonné, j'ai mis du temps à trouver. Non, non, mais hameçonné, c'est parfait puisque évidemment, il s'agit un peu de pêche dans cette rivière. Mais pas seulement. Évidemment, la pêche est une métaphore aussi pour parler d'amour. Pêchons. Et puis, des choses qui nous échappent des mains, qu'on essaye d'attraper dans nos filets, tout ça, tout ça. Et quelle atmosphère? Alors, l'atmosphère, oui, l'atmosphère, Jérémy Lipman, qui est le metteur en scène, a vraiment bossé avec tout un tas de gens super formidables. Autant au niveau de la lumière que du décor et des vidéoprojections, puisqu'il y a des vidéoprojections. L'idée, c'est vraiment d'attraper le spectateur par la main et de l'emmener avec nous dans cette cabane, dans la forêt. A priori, ça se passerait plutôt en Angleterre ou en Irlande, puisque c'est une pièce anglo-saxonne, mais il y a pas mal de gens qui disent on a l'impression d'être dans le Bayou ou en Louisiane, oui, ou pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de les attraper et de les emmener avec nous dans cet univers qui est un peu onirique, même si on est quand même dans la vraie nature brute de décoffrage. Et on va voir où vous nous emmenez. Jeff Butterworth, c'est un auteur contemporain, il a une cinquantaine d'années, il est anglais. Ouais. Cette pièce a été jouée à Broadway avec Hugh Jackman dans la pièce. Wolverine, eu beaucoup de succès. Lui-même, ouais, sans les griffes. Alors attention, je vais me lancer dans le résumé. Ah. Ouais. Vous allez me dire, sous votre haute autorité, il faut être balèze. J'ai longtemps réfléchi. Alors, c'est un homme qui est charmeur et bourru à la fois. Vizorek. Un homme des bois, passionné de pêche, on l'a dit, c'est la rivière, et qui a une jolie cabane. Il vient d'entamer une relation amoureuse avec vous, votre personnage. Et l'histoire progresse. Mais avec vous et un autre personnage féminin qui entre en scène, Anne Charrier, parce qu'on comprend que les conquêtes féminines se succèdent et qu'il reproduit un peu la même relation à chaque fois. Et donc il y a un passage de relais entre vous et Anne Charrier, qui est en fait pas le même rôle, mais lui reproduit les histoires. Donc c'est vraiment un passage de relais. Il y a un parallèle entre vos deux rôles. Mm-hmm. Alors est-ce que ça c'est spécial pour deux comédiennes de faire progresser à tour de rôle l'histoire? Alors oui, c'est spécial. En même temps, c'est intéressant parce que c'est presque des personnages qui auraient pu être interchangeables. C'est d'ailleurs, elle s'appelle la femme. Et l'autre femme, oui. Donc c'est voilà. En même temps, il y a aussi un lourd secret dans cette cabane. Il y a un secret que je ne dévoilerai pas. Mm-hmm. Mais voilà, il y a une reproduction des schémas, ce qui arrive souvent d'ailleurs dans les histoires d'amour, quand on pense qu'on va retrouver quelque chose qu'on avait peut-être perdu ou qu'on a touché du doigt dans une première relation et qu'on cherche à le retrouver avec une autre. Donc pour Anne et moi, ce qui est rigolo, c'est que je sors, elle entre et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on est-ce qu'il y a la tentation du mimétisme ou de regarder pas particulièrement ce qu'elle fait ou non, de se démarquer justement? Non, parce que je pense que c'est quand même deux femmes qui n'ont pas du tout le même rapport à cet homme-là. En l'occurrence, le mien, c'est quand même une femme qui s'affranchit de son père, je pense, à travers cette histoire d'amour. Je sais pas pourquoi ça me poursuit en ce moment. Je fais que des histoires où je m'affranchis de mon père, je fais mourir mon père, enfin le pauvre, il en prend plein la gueule. Comme dans les châteaux de sable. Comme dans les châteaux de sable. Au cinéma. Voilà. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le personnage d'Anne est peut-être plus une femme plus affirmée dans ses choix et qui sait peut-être mieux où elle veut et qui est peut-être plus légère. Moi, mon personnage est peut-être plus en attente de vivre quelque chose qui... Elle dit à un moment, je veux 1 million d'éclairs dans le cul, ce qui est ma réplique préférée. Voilà. Mais ce qui est important de dire sur cette pièce surtout, c'est que c'est... Donc Jess Butterworth, l'auteur de cette pièce, qui est aussi un scénariste, qui a aussi co-écrit le dernier James Bond, figurez-vous. Ah oui, oui. Mazette, entre autres. Et il était très ami avec Ted Hughes, le poète Ted Hughes, qu'on connaît très peu en France, mais qui est très très connu en Angleterre, qui est considéré comme le plus grand poète contemporain. Et Ted Hughes, on le connaît à travers Sylvia Plath, parce qu'il a eu une grande histoire d'amour avec la poète Sylvia Plath, mm-hmm. qui s'est suicidée en se mettant la tête dans le four, un truc super joyeux. Ah. Et en tout cas, il a eu un peu une histoire tragique avec les femmes. Sa sœur s'était suicidée, Sylvia Plath s'est suicidée, et la femme suivante aussi. Et en fait, je crois que Jess Butterworth a voulu rendre hommage à son ami Ted Hughes en écrivant cette pièce. D'abord pour lui rendre justice, parce que souvent, il a été un peu décrié comme étant l'homme qui poussait ses femmes au suicide et tout mm-hmm. ça. Mais il partageait en tout cas le goût de l'écriture, le goût de la pêche et le goût des femmes, je crois. Et donc voilà, il y a un petit peu tout ça aussi, tout cet univers poétique dans la pièce. Et des éclairs dans le cul. Bien sûr. C'est de la poésie. Parce qu'il y a pas mal de sourires dans la pièce et même de rire. Donc c'est pas tout à fait une comédie, mais il y a quand même de l'ironie et du rire. C'est La Rivière, donc à la Comédie des Champs-Élysées. C'est du mardi au samedi à 20h30. On joue deux fois le samedi. Le samedi, ouais, notamment à 16h. Ni le dimanche ni le lundi. Voilà. Avec donc Emma de Koun qui est notre invitée, avec aussi dans la pièce Nicolas Briançon, Anne Charrier et Clara Huet. Vous êtes bien sur France Inter. On déconne l'actu jusqu'à 18h en compagnie d'Emma de Koun. Thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild Thing, comme nous. Oui, c'est vrai. Avec Emma de Koun, qui est notre invitée, que vous pouvez voir au théâtre, à la Comédie des Champs-Élysées, dans La Rivière. Et autour de cette table, Alex. Eh bien, dans l'ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice et Thomas Bideguin. Voilà, et pendant qu'on parle, le monde change, hein, des nouvelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Donald Trump a donné une interview à Valeurs Actuelles, comme Jean-François Copé et Nadine Morano. Et en même temps, ni Télérama, ni Philosophie Magazine n'ont sollicité d'interview. Effectivement. Najat Vallaud-Belkacem se lance dans le One Woman Show. Ah, elle va faire du théâtre ? Ah non, non, pas du théâtre. Quel horrible mot théâtre. Il y a un accent circonflexe dedans. Il y aura des brèves. Bah oui, parce que ça, c'est un accent grave. Dans une interview accordée à Valeurs Actuelles, Donald Trump déclare, je cite, « Au Bataclan, j'aurais ouvert le feu ». Et voilà, il admet enfin qu'il est terroriste. Mais on l'aurait sans doute retrouvé plus vite qu'Abdeslam. Hein. Mais oui, grâce à la perruque, hein, ça se retrouve, c'est la couleur. Déchéance de nationalité. Oui, Emmanuel Macron critique le projet, ce qui lui vaut cette déclaration d'Aurélie Filippetti. Emmanuel Macron a rejoint le rang des frondeurs. Ah bah voilà, le débat sur la déchéance de nationalité peut aussi avoir des bons côtés. Effectivement. Justement, pour justifier son absence à l'Assemblée nationale, lors du vote sur l'inscription de l'état d'urgence d'urgence dans la Constitution, un député breton a envoyé un certificat médical. Justifier son absence au vote de l'état d'urgence en prétextant qu'on était aux urgences. Il y a de la cohérence, vous voyez, ces gens sont cohérents. Venons-en au gouvernement. Hier, Najat Vallaud-Belkacem a fait un discours sur le complotisme. Et attention, elle a un excellent auteur. Ces derniers temps, j'ai découvert avec insistance grâce à Internet que j'attendais mon troisième enfant. Ce qui fait naturellement le bonheur de mon mari. Enfin, pardon, devrais-je dire de mon ex-mari, car ces mêmes sites m'ont appris que j'étais divorcée. Divorce parce que je lui ai caché depuis des années une terrible vérité. Je ne suis pas Najat Vallaud-Belkacem. Je suis Claudine Dupont. Or, que remarquez-vous ? Il n'y a dans Claudine Dupont aucun accent circonflexe. Nulle part. Et donc cette frustration m'a décidé à les supprimer. Pas mal. Alors juste, je lui donne un petit conseil, ne pas rire de ses propres blagues. Sinon, vraiment, c'était plutôt bon. Ce qu'on appelle la technique Gad Elmaleh. Prenez une leçon, les comiques, là. Déjà, elle va remplir les salles, puis vous, tricard, les mecs. Revenons au fond de... Benoît Hamon sera probablement candidat en cas de primaire à gauche. Ouais, ça fait beaucoup de conditions. Hein. Moi, si je vous annonce que je serai probablement candidat au Vendée Globe, au cas où il se ferait en bateau téléguidé dans la Fontaine des Jardins du Luxembourg. Montebourg, lui, se dit prêt à revenir en politique contre le sarcolandisme. Non, il est prêt à revenir. Oui, oui. Moi aussi, ça m'a surpris. Ouais, c'est surprenant, hein, oui. Oui. Parce que chez Habitat, ils vont être déprimés. Je veux dire, il y a un type aussi impliqué que lui, ça va être difficile à remplacer. C'est vrai, c'est vrai. Bah, vous diriez que c'est un peu un meuble qui faisait rien. Ah non, non, chez Habitat, les meubles leur rapportent de l'argent. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Passons à un petit quiz. Hier, c'était Mardi Gras et un homme politique a voulu les fêter sur Liberté TV. Essayer de truc, c'est pas évident. Il avait un beau masque. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir? Et parce que nous sommes le Mardi Gras. Généralement, les hommes politiques sont masqués toute l'année. C'est aujourd'hui qu'ils devraient enlever le masque. Voilà, on dit pas qui c'est, hein, grand concours. Beaucoup de places à gagner pour le spectacle de Najat Vallaud-Belkacem. Transport en Île-de-France. Valérie Pécresse réclame des sanctions anti-fraudeurs plus dures. Oui, exactement, elle a raison. Mais le mieux pour surprendre les fraudeurs, ce serait que le RERC arrive à l'heure et là, paf, les gars, ça les déstabilise. Football. Les supporters de l'équipe de Dortmund ont lancé des balles de tennis sur la pelouse à Stuttgart pour protester contre le prix des places. Ah, quand ils vont connaître le prix des places à Roland-Garros. C'est pas faux et c'est idiot. C'est comme lancer des 10 de Mylène Farmer au concert de Scheim. People, Kanye West clame l'innocence de Bill Cosby sur Twitter. Oui, alors si vous n'avez pas compris cette phrase, en gros, si on mettait en France, ce serait Booba qui viendrait à la rescousse de Patrick Font. En gros. Bref, pour terminer. Oui, un zoo chinois met les visiteurs en cage et les animaux en liberté. Et si ça marche, probablement que les restos chinois nous mettront bientôt dans les casseroles et laisseront les chats courir dans le restaurant. Vous voilà bien informé. Je pense que c'est sur cette bonne base solide on va pouvoir changer le monde tout de suite. En compagnie d'Emma de Koun qui a certainement des solutions à nous apporter. Oui. Moi j'ai mon grand-père qui s'est fait enfermer dans un zoo avec les chimpanzés il y a quelques années. Et ben, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est un wagon de gens enfermés et les tigres tournent autour. Ouais. Mais lui il vivait avec les chimpanzés, mais il vivait vraiment avec eux, c'est-à-dire qu'il mangeait comme eux. C'est un peu curieux quand on a 15 ans qu'on va voir son grand-père à la Palmyre et qu'il est enfermé dans un zoo et que les gens lui lancent des cacahuètes. C'est un drôle de concept. Et vous arriviez à le reconnaître parmi les... Oh, bah oui, ça je l'ai reconnu, mais je sais qu'il avait, du mal à se faire accepter parmi les mâles qui lui faisaient des... Oh. Et c'était une démarche journalistique. Hein, tout à fait, départ. Et très intéressante. Il trouvait ça bien plus passionnant d'observer les hommes de ce côté-là que de l'autre. Voilà. Bon, on va essayer d'observer les hommes à travers la presse, avec le premier sujet. Yanis Varoufakis est de retour. Il y en a à qui ça fout les miquettes, hein, je peux vous dire. L'ex-ministre grec des Finances a choisi l'ex-Berlin-Est pour lancer un mouvement anti-austérité qui fédère les pays d'Europe. Varoufakis est de retour. Aujourd'hui, il a des airs de Bruce Willis. Mais avant, ça pouvait être différent, attention. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Les cheveux, c'était avant. Hein. Ouais, ouais. Il les a perdus. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air. Moustaki, et non pas moustacu, comme le disait Jacques Lang lors d'un précédent discours. Emma de Koun, est-ce que vous avez développé un peu un sentiment d'appartenance européenne? Est-ce que quand vous définissez. La Grèce, vous voulez dire, je vous vois venir. Non, je ne sais pas. Un sentiment européen. En général, un sentiment européen, ouais. Pas trop. Quand il y a de l'actu européenne, vous sentez un peu européenne ou vous définissez comme française avant tout? Oui, non, on va dire européenne un peu, oui quand même, je me sens un peu concernée. Vous n'êtes pas obligée de dire ce qu'elle sous-entend dans la question. Hein. Ça, c'est vraiment... sous-entend. Vous êtes européenne, non? Quand vous posez vos questions, pas du tout. On vous voit arriver. Il paraît que je dirige beaucoup mes questions. Mais non, pas du tout. Je dirige les gens à les choses que j'attends et ça c'est faux, et du coup je tiens à vous dire. Non, mais pas du tout. Mais si vous voulez qu'on parle de Yanis, est-ce que vous avez un regard particulier sur lui? Il lance donc un mouvement. Là, tout de suite, je trouve qu'il fait un peu peur. Il a une petite tête de Terminator. Exactement. Mais en même temps, il est. Je sais pas. Je suis pas très au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, il faut. Alors, je vous le dis. Alors, en deux, trois. Je repose la question version Charline. Il est bien, non, Varou Fakir? Voilà. C'est un homme formidable. Il est beau. Ok, voilà. Moi, je trouve du charme. Et qu'est-ce qu'il fait de bien en ce moment? Arrêtez, j'ai chaud. Alors, ce n'est pas le sujet. On est censé changer le monde. Merde. Mais non, mais Varou Fakir lance un mouvement pour démocratiser l'Europe avec des mouvements de gauche de divers pays. Bref, il lance une utopie européenne. C'est beau. Je crois pas que ça manque d'utopie. Non, mais on a besoin de ça. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Il faut un peu sortir du marasme. On a besoin de gens un peu avec des utopies. C'est bien. Puis c'est... Si par exemple Christiane Taubira, elle suivait Varoufakis, est-ce que vous seriez. Ça vous séduirait? De toute façon, elle me séduit tout court. Donc, c'est vrai? Ouais, j'adore cette femme. J'ai beaucoup d'estime pour cette femme. Je trouve qu'il faudrait qu'elle se présente, non? En 2017. Non, c'est pas. Vous êtes peut-être la première à lui souffler, ça, à mon avis. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas dû y penser avant. Charlie va pas être d'accord. Non, la bonne idée, c'est de mettre Kiss au bout du nom. Voilà, Taubira Kiss. Taubira Kiss et Varoufakis sont dans un bateau. Exactement, ouais. Varoufakis, my baby, quoi. Ouais. Oh, on s'égare avec ce sujet. Je sens qu'il vaut mieux parler de musique, non? C'est avec Mélanie Boer. Allez-y. J'arrive. On y reviendra tout à l'heure. Ce sera un des autres sujets du jour, peut-être un peu moins dirigé par Charline. Les 30 ans des Un Rock. 1986, deux petits garçons, Arnaud Devers, Bruno Gaston, Serge Kaganski et bien sûr Christian Feuvray, qui emprunte des sous à sa mamie. Des gars du genre Versailles, centre droit, un peu comme Vizorek, qui imposent sans complexe leur amour des groupes de rock mielleux d'outre-Manche et réussissent à faire croire, avec l'aide de dangereux manipulateurs comme Bernard Lenoir de France Inter, à toute une bande de jeunes, et ce durant des décennies, que des bas du front, buveurs de bière, de jeunes gratteurs de guitare anglais, australien et américain sont en réalité des intellectuels. Oui. Alors, avec l'arrivée de J.D. Beauvallet, d'Emmanuel Tellier et autres terroristes, ils imposent par exemple les Smiths, un groupe d'alcooliques drogués de Manchester, porté par un chanteur homosexuel qui se prenait des pour pervers idolâtres, vous voulez dire. Pour Oscar Wilde, imaginez. Vous écoutiez ça ce matin? Vous êtes branché avec Mélanie Boer. Mais pas du tout, c'est Burke, les Smiths. Smiths, élu meilleur groupe de l'année 1984 par les lecteurs du journal culte anglais le NME. Ils sortent en 86 de Queen is Dead, avec sur la pochette une photo d'Alain Delon. Ultra kitsch. Comme le mal est fait, ils sont la référence du bon goût Un Rock. 10 ans plus tard, les Un Rock célèbrent l'anniversaire de ce chef-d'œuvre avec un disque de reprise de Smith is Dead. En 2013, le disque des Smiths arrive en tête du classement des 500 meilleurs albums de tous les temps, organisé par le NME devant les Beatles, les Pixies, Radiohead et David Bowie. Les Smiths sont cultes et Morrissey, cet hystérique végétarien, Guillaume, ça devrait vous inspirer, reste une icône. Étrangement, toujours de Manchester, un autre groupe de drogués est monté en chantilly par les Un Rock dès la fin des années 80, ce sont les Stone Roses. Quand vous dites monter en chantilly, ça veut dire qu'ils en ont fait des tonnes pour les lancer. Mais c'est la marque de fabrique des Un Rock. C'est toute une génération. On a grandi avec ça. Quand ils ont mis Charline, c'était vraiment pour la pousser, quoi. C'est des gens qui croient à des produits de seconde zone. Non, c'est ce que j'ai envoyé un chèque. Car là, voilà la vérité. La vérité, l'essence même du métier de journaliste musical. Vous qui pensiez que c'était un métier de fainéant, Guillaume Meurice. Au contraire, c'est une responsabilité. Il s'agit de réinventer l'histoire, de sublimer le réel, d'imprimer dans l'inconscient d'une jeunesse plutôt banale la marque de son incroyable originalité pour qu'il puisse dire fièrement plus tard « c'était mieux avant ». Il le dit d'ailleurs, Pierre Siankowski, directeur de la rédaction des Un Rock, qui lui ne savait pas trop ce qui se passait en 86, il avait 10 ans quand le fanzine est né. « Nous faisons partie de ces derniers dingues qui croient qu'un disque, un livre, un film, une série, un spectacle ou une exposition peuvent devancer le politique et changer le cours d'une vie ». Mais oui, bien sûr. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. C'est pas la bonne chanson. C'est pas grave. Je vais changer mon texte. J'ai rien remarqué, moi. C'était pour voir si vous étiez bonne en impro, Mélanie Bowen. Non, en réalité, je frime, mais j'étais fan parce que Les Inrocks, c'était une porte qui s'ouvrait sur le Royaume-Uni, celui d'avant l'Eurostar, celui de quand c'était loin, exotique, chargé de rock'n'roll et de fish and chips. Quelle bonne idée, par exemple, l'interview croisée de Noel Gallagher et de Ken Loach pour évoquer le nord de l'Angleterre post-thatchérienne. Une fois de plus, un chanteur de pop alcoolique drogué était sublimé. Il présentait le prolo anglais, ses souffrances et ses espoirs, l'ascenseur social grâce à la pop. C'était Wonderwall, quoi. Bon, alors maintenant, on est en 2016. Oui, Les Inrocks sortent un numéro spécial pour les 30 ans, mais aussi un jeu. 30 ans de pop culture sur un plateau, 600 questions, de la mort de Kurt Cobain aux révélations de Wikileaks en passant par Sofia Coppola et la série Friends. Il y a un dé, il y a 8 pions, il y a 20 cartes, notamment des cartes coups de théâtre à la rédaction. Un livre de 128 pages rédigé par les journalistes des Inrocks avec les solutions, les anecdotes de ces 30 dernières années. Je suis perplexe, effectivement. On le sent. Je suis perplexe, on est au bout du marketing. C'est étrange. Il n'y a pas encore des slips, hein. Quand même. Ça me donne envie de réécouter les Smiths pour voir où je me serais gourée. Il y a peut-être un tournant que j'ai pas pris. Alors je dirais que Les Inrocks, bon, c'était mieux avant, hein, quand on rêvait sur les pochettes en noir et blanc, que J.D. Beauvallet essayait pas de nous faire croire qu'il écoutait du rap, quand on encensait les arpèges de guitare et les chanteurs sensibles comme celui-ci, Matt Elliott, qui ne va peut-être pas changer le monde, mais qui sort un sacrément bel album de Calm Before. Ici, c'est The Feast of Saint Stephen. J'ai réussi cette chronique. It's so easy to be drawn to such a grace. At the grace and praise you mumble while you lie prostrate and humble. What are they? What are the words you say? What are the games they play? If they uniate, they themselves they couldn't say. They're looking the wrong way, their ignorance is plain. The homing starts again, they must take the blame for their part in the game and for the untold misery and the pain. Matt Elliott. Prenez ça dans la gueule. C'est très beau, il a une jolie voix, mais c'est vrai que c'est l'heure où moi il me vaut mieux un bon petit rock, quoi. Ah, un truc qui me réveille. Je suis sur scène dans deux heures là. C'est très un rock. Merci Mélanie. Emma Decaune est sur scène dans deux heures en effet. Et où ça? Eh bien à la Comédie des Champs-Élysées, dans La Rivière, avec Nicolas Briançon et Anne Charrier et aussi Clara Huet. Clara Huet, à la fin, ça ne dit rien. Huet, pardon. Mais bon. C'est mon accent belge. Non, c'est pas grave, ça marche aussi. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h et là, c'est le moment Meurice. Ouh là là. Ouais, mais j'ai pas envie, Charline, aujourd'hui. Bon, alors on va passer à Thomas Bideguin. Non, mais j'ai la flemme, je sais pas, je suis comme Thomas Thévenoud devant un troisième tiers provisionnel. Je suis comme Mélanie Bauer devant un vinyle de Sheila. Voilà, j'ai pas envie. Alors, je sais bien que je suis payé pour ça, mais il y a des jours comme ça, j'ai pas envie de faire de chronique. Voilà, c'est comme ça. Ok. Voilà. Non, mais j'ai des excuses, attention, hein, j'ai même les meilleurs qui soient. Je suis allé les chercher à l'Assemblée nationale ce matin, auprès des députés qui ont eu la flemme de voter une loi constitutionnelle lundi soir, celle sur l'état d'urgence, donc, sous prétexte que c'était lundi, que c'était tard, que le débat c'est chiant. Voilà, donc sur 577, il y avait 441 absents. Ouais, parce que des fois, on n'a pas envie, voilà, on a mieux à faire, voilà, ouais. Bon, c'est tout. Par exemple, Sébastien Denaja, député de l'Hérault, pourquoi il n'était pas là? Un impondérable. Un impondérable? Non, écoutez, on va pas rentrer dans aucun détail de ce genre. Vous n'étiez pas frustré de rater le vote, du coup? Un petit peu, mais ça arrive toujours. Vous savez, la cloche retentit, vous avez 5 minutes pour allier l'hémicycle. Quand votre bureau est un peu éloigné, voilà, c'est aussi simple que cela. Il faut bosser le sprint, alors. Voilà, il faut bosser le sprint. Moi, c'est pareil, Charline. Voilà. Quand vous m'avez dit à 16h30, Guillaume, la chronique, elle en est où? J'étais à la machine à café, c'est loin de mon bureau. Puis voilà, je suis nul en sprint, je vous le dis. Même Doc Gynéco sous Prozac, il est plus rapide que moi. Donc j'ai pas de chronique aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, je vois que ça vous va pas comme explication, mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Tiens, Alexis Bachelet, député PS des Hauts-de-Seine. Moi, j'aurais souhaité être présent et j'ai eu un problème personnel qui m'a obligé à quitter la séance avant le vote. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi, j'ai un enfant en bas âge et là, la maman m'a demandé de rentrer et donc je suis rentré parce que mon fils était malade et que ça, parfois il y a des impératifs qui sont supérieurs à des débats parlementaires, voilà. Bon, est-ce que le petit va mieux? Oui, ça va. Bon, ouf, le petit est sauvé déjà, ça c'est bien. Moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat. Et puis voilà, j'ai eu un impératif croquette, hein, vous savez ce que c'est. Donc voilà, il y a des impondérables dans la vie. Et si ça vous convient pas, moi je vous le dis, Charline, j'ai d'autres excuses. Tiens, le député socialiste de l'Oise. Alors vous allez peut-être lui reprocher de pas être patriote, vous savez comment il s'appelle? Michel Français, vous avez un député ou qui s'appelle Wilfried Belge? Non. Michel, il n'était pas là lundi soir non plus parce que Vous savez que comme vous devez être un peu au courant qu'on reçoit en moyenne 100 mails par jour, un certain nombre de choses, et qu'à un moment donné, il faut bien trouver une priorité pour pouvoir y être. Car si on suivait ce que vous êtes en train de me dire, nous ne sortirions pas d'une séance peut-être pour aller aux toilettes. Vous voulez quoi, Charline? Que j'aille plus pisser? C'est ça que vous voulez? C'est magique. Moi, je suis désolé. Moi, je reçois des mails aussi. Voilà. Il y a des gens qui me reprochent d'être allié au grand Satan américain quand je fais une chronique sur Cuba. D'autres qui me reprochent d'être un stalinien hystérique quand je fais des chroniques sur les grèves. Je dois leur répondre à ces gens-là. Je peux pas les laisser comme ça. Donc, pas de chronique aujourd'hui. Et puis, les chroniques, je vais vous dire, c'est comme les votes des lois constitutionnelles. Ça sert à rien. Hein, Michel? Nous savions, quand nous voyions en séance, à quel point le résultat serait très net en faveur de l'acceptation de ce texte. Si tout le monde se dit ça, personne ne vient. Attendez, on est venu, mais on peut aller retravailler dans son bureau quand on pense qu'il se passe pas grand-chose d'important. Et je n'étais pas en séance au moment du vote, et je m'en félicite puisque j'ai fait des choses beaucoup plus importantes pour ma circonscription. Moi aussi j'avais plein de trucs à faire, manger du chocolat, repasser les chemises d'Alex, Si j'avais fait une chronique aujourd'hui, ça aurait été pour dire quoi? Que les députés se foutent de la gueule du monde? Franchement, je trouve pas ça très très judicieux en ce moment. L'abstention est au plus bas à chaque scrutin, Et si les députés montrent pas l'exemple, faudrait peut-être mieux le cacher, parce que je vous le dis, ça va devenir de ma faute après. Donc pas de chronique aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire, moi je suis d'accord avec Édouard Philippe, député Les Républicains de Seine-Maritime, qui n'était pas là non plus lundi soir. Non, j'étais pas présent lundi soir parce que j'étais au Havre, dans ma circonscription. Qu'est-ce que vous faisiez au Havre alors? Je faisais aussi mon métier. Ah. Ouais, mon métier qui est un métier de député, qui est un métier de maire, enfin voilà. Mais en tout état de cause, vous savez, on peut... Ah mais vous avez trop de boulot, vous cumulez. Oui, bien sûr. Et si vous avez envie de jouer là-dessus, vous pouvez. Mais voilà, voilà. Continuez à jouer là-dessus, Charlie. C'est bien, voilà. Brisez le pacte républicain. Heureusement que je suis plus lucide que vous et que j'ai pas fait de chronique aujourd'hui. Hein. Inconsciente, vous me dégoûtez, Vanhoenacker. Tiens, écoutez... écoutez ce que dit Pascal Popelin, député PS de Seine-Saint-Denis. Écoutez ce qu'il pense des gens comme vous. La manière dont il y a une forme d'anti-parlementarisme qui se développe dans ce type de commentaires m'énerve au plus haut point. Vous justifiez les absences de vos collègues alors ? Je ne suis pas là pour être le juge de mes collègues. Ça, ce sont les électrices et les électeurs qui doivent l'être. Eh ben voilà, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, électrices et électeurs. La liste des absents est dispo sur Internet. quant à moi, bah, j'aurais pu trouver une chute à cette non-chronique, mais écoutez, j'ai la flemme. Hein, et puis de toute façon, je vais vous dire, cette chute, elle n'aurait pas été aussi spectaculaire que celle de la qualité du personnel politique en France. Ouais, bah, vous avez raison, on va rendre l'antenne à Nicolas Demorand voilà. Tout de suite, parce que moi je n'ai plus envie non plus. Moi, Emma de Koun, ce soir, vous trouvez une excuse pour le théâtre. Moi, je vais pas jouer. Moi, j'ai piscine. Voilà. Ouais. Emma de Koun à piscine, elle ne sera pas à la Comédie des Champs-Élysées. On préfère vous prévenir. Oh, voilà, elle sera demain. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h. Merci, Guillaume. Enfin, non, pas merci, parce que vous n'avez rien fait, finalement. Hein. Ah, oui, vous remercier pour un truc que vous n'avez pas fait, finalement. Le deuxième sujet, un sujet de fond, attention. Hein. Au terme de 2 années de lutte syndicale, nos camarades hôtesses de l'air sur British Airways ont enfin obtenu le droit de porter un pantalon. Oui, messieurs. L'aéronautique avait déjà connu des problèmes de fuite entre steward d'Air France et de la British, mais ça c'était une autre époque. They sin down down for there. How him down down for soi. Down down for there. C'est pour un simple, no? Oh, oh yes, down down for there. Ça, c'est du dialogue, Bideguin. Ah, on est dans de la graine. Alors là, franchement, j'ai jamais été meilleur. C'est la 7e compagnie, parce que dans cette émission, on a des références culturelles, eh ben, monsieur. Ouais, je vois ça, et de 1972. Voilà. Mais c'est bien. Hein ouais. Alors ouais. Bon, souhaite. Alors bon, vous étiez au courant, vous, qu'on ne pouvait pas porter de pantalon sur la British Airways. Alors si on avait été engagé comme hôtesse en 2012, pas de pantalon, que des jupes sur la British. Ça vous laisse sur le cul, cette info ? Bah, complètement. Bah, c'est le cas de le dire. mais il y a d'autres compagnies où il y a des trucs, non ? C'est sur Emirates et tout ça, par exemple. Exactement. Voilà, je me posais la question. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez marrant, moi, je trouve, enfin, c'était que mon avis, hein, je n'ose pas trop le donner aujourd'hui, mais parce que dans les pays arabes obligent à porter long, généralement, puis nous, on nous oblige à porter court. Ah bah ouais. Ouais, c'est fou. Doit-on s'en plaindre ? C'est fou, hein, ce sujet. C'était pas des jupes non plus. Non, mais... Alors attendez, parce que j'ai choisi ce sujet pas pour rien non plus. Parce que je voulais en revenir à la pièce avec Emma de Koun qui s'appelle La Rivière de Jess Butterworth. Et attention, vous allez voir. Le lien entre la pièce de l'air et la rivière. Vous allez voir. Parce que dans la pièce, votre personnage s'inscrit donc dans une lignée de femmes qui sont jeunes, modernes, habillées en jeans, chemises en jeans, etc. Et puis dans l'intrigue, il y a un rebondissement où il y a une robe. Et alors, sans dévoiler le. Faites gaffe. Hein, je fais attention, je dirais. C'est au moment où il y a la robe que l'intrigue commence à se dénouer. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un message là derrière ? C'est-à-dire, c'est la robe un peu classique et la femme qui. Réfléchissez trop, Charline. D'accord, très bien. C'est pas ce que je vous disais aussi. C'est marrant. Vous voyez, comme quoi vraiment chacun peut se faire son histoire. Ah. Non, je crois pas qu'il y ait. C'est pas comme ça, vous. Je crois pas. D'accord. Je crois pas qu'il y ait de signe. Non, après. Relisez la pièce quand même. Oui, je vais quand même peut-être la relire. Vous avez on raison. On est un peu emmerdés parce qu'on avait fait le lien avec ce sujet pour vous et vous chopez pas le bâton là. Non, mais là, je sais pas trop quoi vous dire. Non, mais parler la féminité. Vous avez prendre l'avion. Cela dit, les personnages féminins n'ont pas de nom. C'est considéré au cinéma, notamment, on en parle beaucoup comme sexiste quand les femmes. Mais l'homme n'ont pas s'appelle de l'homme aussi, donc comme ça tout va bien. Non, non, il y a pas. Il y a pas de ça. On cherchait vraiment un lien. Excusez-nous, galère. On a tout fait. Sincèrement, j'ai lu ça comme ça en me disant, tiens, ouais. quand la robe arrive. Qui symbolise la féminité, etc. Il se passe un truc. Si vous me faites confiance, chers auditeurs, et vous pensez que ma lecture peut être bonne, on ne sait jamais sur un malentendu, allez voir La Rivière. Sinon, allez-y et on foutrait de la gueule de Charlie. Ceci dit, les hôtesses, elles servent de l'eau parfois, et je crois qu'il y a une rivière du coup dans votre pièce. Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais effectivement, on va pouvoir trouver un lien. C'est-à-dire que nous, on s'envoie un peu en l'air aussi. Ah voilà. Voilà le lien. Voilà un autre intérêt pour aller là-bas. Toute ma vie, j'ai rêvé. Bon, va passer à ton habit de gars parce que. On en est réduit parce à que, ça. Bah, non, mais je veux dire, pour relever le niveau, parce que moi, voilà. Oui, bah, je voulais moi... qu'on change le monde avec la jupe de British Airways. Et puis... Non, c'est moi qui vais le faire. Moi, je ne change pas le monde, je viens vous l'expliquer, évidemment. Parce que, un peu comme d'hab, je viens parler de storytelling. Parce que moi. Comme vous, d'ailleurs, je suis prêt à acheter n'importe quoi, mais il faut me le vendre un peu bien, qu'on me le raconte un peu comme il faut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept un peu abstrait, pardon Charline, mais c'est le niveau de réalité. Parce que chaque histoire a son niveau de réalité. C'est pour ça qu'il y a des films où les gens sautent du toit, et là, pouf, ils s'écrasent comme des bouses. Et d'autres films où les gars sautent du toit, et là, ils volent comme par magie, et ils vont sauver l'humanité. Ils ont des niveaux de réalité différents. Mais on achète les deux pareil. Donc, dans la vraie vie, c'est comme au cinéma. C'est ça qui est génial et que je me tue à vous dire à longueur de chronique. Donc, voyez, par exemple, Google ou Uber ou Uber ou Facebook, voilà, toute la petite racaille 2.0. Ben, quand ils sautent du toit, ils volent. Enfin, ils nous volent parce qu'ils ne payent pas d'impôts, mais tout le monde croit qu'ils vont sauver l'humanité. C'est comme ça, ils ont réussi à créer leur propre niveau de réalité. Alors que de l'autre côté, prenez par exemple Jérôme Cahuzac. Ben, lui aussi, il saute du toit. Lui aussi, il nous vole. Mais bon, il vole moins bien. Il vole pas terrible, en fait. Il se trompe un petit peu de film. Et là, tac-a-boum, bon, il s'écrase comme une bouse. Donc, on voit bien qu'on est dans un autre niveau de réalité. Un niveau de réalité un peu inférieur. Et on comprend là tout l'intérêt qu'on a à essayer de changer de niveau de réalité si on veut raconter une histoire. Ne serait-ce que pour voler un petit peu plus longtemps. Donc voilà, l'exemple de Cahuzac, c'est bien pour ça. On se souvient, au début de sa carrière, il crée la clinique du cheveu. Mm-hmm. La clinique non. du oui. cheveu. Je ne savais pas. Ben oui, on voit qu'on est déjà dans un niveau de réalité un peu supérieur à la normale, avec la clinique du cheveu. Incroyable. Ah ben mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Non, t'en fais pas, c'est juste ses cheveux. Mais on peut le transporter de toute urgence, je connais un endroit où on peut peut-être le sauver. La clinique s'il du paye cheveu. En liquide. Mais poussez-vous, mon Dieu, poussez-vous. Voilà. Non, le type avait trouvé un business formidable, un business où on fait payer les gens aux cheveux, pas à la touffe, non. pas à la mèche, non, on les fait payer aux cheveux. Avec une idée comme ça, c'est pas étonnant qu'il ait du pognon à foutre en Suisse. La jalousie folle des coiffeurs. Bon, dites, vous voulez que je vous éclaircisse un peu la nuque? Ah ben non, j'ai pas les moyens. Et puis, cette clinique, il l'avait montée avec sa femme. Alors là, tac, on change de niveau de réalité, on passe de la business story à la telenovela. Ah oui. Qui est un peu l'open bar du storytelling. Là, tout est permis. Et c'est pour ça qu'on change de niveau de réalité, pour que ça passe. Vous voyez, quand François Hollande reçoit un dictateur, la semaine dernière, c'était Raoul Castro, ben, au lieu de faire une réunion à trois avec la Ligue des droits de l'homme, il organise plutôt à l'Élysée un dîner avec 300 personnes, hyper people. Ouais. Du coup, on passe du sang des opprimés au red carpet et on change de niveau de réalité. Et là, Raoul Castro... Il saute du toit, il vole. Il s'écrase pas comme une bouse. Oui. Mais on aura quand même une pensée pour l'opposant politique, tout seul dans sa cellule à La Havane, qui, pour essayer d'avoir des nouvelles non censurées du monde, a réussi à s'introduire l'édition internationale du New York Times dans l'anus. C'est un peu, ouh, ça fait mal. C'est un peu une autre idée de lire aux toilettes. Et, enfin bon, quand on est dans l'obscurité de sa cellule, papier, il est là. Il arrive enfin avec ses doigts gourds comme ça à déplier le journal. Soulagement. Et là, il voit la photo de Raoul, le pouce en l'air, avec d'un côté Virginie Efira et de l'autre David Guetta. Ben là, il se dit qu'on a changé de niveau de réalité. Mais revenons à Cahuzac. Parce que je l'aime bien. C'est un peu comme Vizorek. Il y a un truc de coupe de cheveux et de raconter n'importe quoi, le mélange. Ben, voilà. Donc, la clinique avec sa femme, ça ne lui suffit pas. Il veut à nouveau changer de niveau de réalité et se lancer dans la politique. Bah, forcément, à force de lui répéter qu'en politique, ce qu'il faut, c'est une bonne implantation, bah, quand on est patron de la clinique du cheveu, alors, il devient ministre. Tac ! Il saute du toit, il vole, pareil. Mais le problème, c'est que Cahuzac, comme il est bel homme, et comme Vizorek, et qu'il a une petite aptitude au mensonge, il a un peu tendance à avoir des aventures. Ce qui l'intéresse, peut-être, c'est vraiment c'est la clinique du poil. On ne sait pas. Enfin, là, avec sa femme, le dénonce au fisc. Il est rattrapé par la télé novelas. Parce que c'est le truc avec la réalité, c'est que ça vous rattrape. On a l'exemple en France en ce moment où on a des milliers de nos enfants qui passent du côté obscur et qui veulent aller couper des têtes en Syrie pour une raison qu'on ignore. Mais c'est un problème un peu large. Mais le Premier ministre a une idée. Il dit « on va faire voter une loi ». Et là, le niveau de réalité, ça va devenir ça. Un problème législatif. Ah, ben c'est cool parce que à un moment, j'ai eu peur qu'on doive tous se remettre un peu en question. Non, non, non. Sauf que le jour où on doit la voter, la loi, il n'y a personne qui vient. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Des fois, on n'est pas très sûr des histoires qu'on raconte. Des fois, on n'est pas très sûr du niveau de réalité. Et du coup, on a juste un petit peu peur de sauter du toit. Thomas Bideguien, c'est merci, beau, c'est beau. C'est joli. Mais oui, voilà, mais c'est comme ça. Allez, ça me sort cadeau de la viande. Sur France Inter, ça me sort de la viande. Avec Emma Decaune. On va aborder le troisième sujet. On en a un peu parlé tout à l'heure avec Mélanie Bauer. C'est les Inrock qui ont 30 ans. 30 ans de découvertes et de critiques. Critiques qui ont évolué. Hein, parce qu'au début, les critiques rock sont un peu des oies blanches, des ravis de la crèche quand on est jeune. Et puis après, ben, après on se fait déniaiser. Quoi. Alors, toi, putain, toi, t'es trop pur. Toi, c'est trop, t'es vraiment trop pur. Ah, mon Dieu, ça va être l'horreur. Ils vont te payer à boire. Tu vas rencontrer des nanas. Mais partout, gratos, en avion, te proposer de la drogue, je sais que ça a l'air génial, mais ces groupes rock, c'est pas tes amis. Tu vois, c'est de la promo, ils veulent que t'écrives des Salam Alek, et que tu parles du génie des rockstars, et ça, ça va ruiner le rock'n'roll et étrangler tout ce qu'on aime dans le rock. Hein? Et ensuite, ça va devenir une industrie du cool. Ouais, ouais, je t'amuse, mais tu débarques à une période très dangereuse pour le rock'n'roll. Tu vois, c'est pourquoi je crois que tu devrais arrêter, te barrer, t'as qu'à faire avocat ou je sais pas quoi. Super ce film. Hey, ouais. Emma Decaune a reconnu le film, avec la version française. Ouais, hein. Presque célèbre, ouais. Almost Famous avec l'accent. Et vous avez réussi à retrouver malgré la version française. Hein, ouais. Qui était quand même... Mais non, parce que ça sentait le doublage, on reconnaît les voix. De... Il y a toujours un truc un peu comme ça, le doublage, un truc un peu pareil, un peu comme ça. Mais alors, donc c'est, alors, est-ce que les Inrock, vous êtes toujours cliente, c'est toujours un peu le recueil, c'est là où vous allez chercher un peu les choses. Gros dilemme. Ah ouais, alors, non, mais j'aime les Inrock d'amour parce que je connais notamment Bruno Gaston qui est un des pères fondateurs. Et parce que, malgré tout, je l'achète religieusement tous les mercredis, mais vraiment. En plus, j'adore acheter la presse. Moi, j'ai un truc, j'adore la presse écrite. Et donc, je continue de l'acheter et parfois, je suis très en colère contre eux. Parce que c'est fait pour, non ? Mais oui, mais en même temps, voilà, c'est une relation passionnelle un peu. C'est-à-dire que parfois, grâce à eux, il y a des interviews, notamment, je trouve, de Kagansky qui peuvent être démentes. On peut vraiment, comme vous le disiez, Mélanie, approcher des sujets avec un angle plutôt, voilà, inattendu et tout ça, et puis un peu profond. Ou de la femme la plus drôle de France, parfois. Ou de la femme la plus drôle de France, parfois, tout à fait. Je me rappelle tout à fait. Revenons-en au sujet. Non, non, mais il y a ça d'un côté, et puis parfois, il y a des critiques de films que je trouve d'une injustice totale, que je trouve juste méchante pour être méchante, où j'ai l'impression que juste ils détestent parce que tout le monde adore, ou enfin je sais pas, il y a un truc parfois un peu fatigant, oh, ce serait français, ça, un non. petit peu français, ouais, parfois ça, mais il y a, pas comme ça. Oui, non, bah oui, non, j'ai bien vu. En musique par exemple, pas comme ça. Mais sur la musique, j'ai découvert plein de choses grâce à eux et il y a une jeune femme qui s'appelle Johanna Sebag, je crois, qui écrit des bonnes critiques, Clémentine Golzal qui écrit des bons ah ouais, papiers aussi. Non, ouais, je les connais, je les aime bien. Mais parfois, ils m'agacent. Mais je continue de l'acheter. Et comment est-ce que vous faites encore des découvertes musicales? Par quel biais? Je sais pas, ou Mélanie Bauer? Il n'y a pas que les Inrock dans... Ah bah non. Heureusement qu'il n'y a pas que les Inrock. Non, ben moi j'aime bien fouiller, mais moi j'aime beaucoup les vieux trucs en fait. Ah, je commence à en avoir marre de. Ouais. C'est-à-dire, je peux m'enthousiasmer pour un jeune groupe et puis pouf, ça retombe un peu rapidement. Voilà, il y a quelques groupes là récemment qui m'ont complètement bouleversée, comme Tame Impala, comme Alabama Shakes, qui sont pour moi très très prometteurs. Mais après, il y a des trucs où je trouve qu'on en fait beaucoup de bruit pour rien, donc je retourne à mes vieux classiques. Et voilà, les valeurs sûres avec Emma Decaune. On a une proposition très malhonnête à vous faire, comme tous les J'adore jours. J'adore ça. Eh bien, le sketch de fin d'émission, et vous aimez la musique, merde. Et donc vous allez jouer le rôle de Zazie, bien entendu, car on a appris hier que Zazie allait écrire les chansons et la musique d'une comédie musicale, Le Rouge et le Noir. On va voir comment ça s'est passé dans le bureau. Le producteur de cette comédie musicale, c'est Guillaume Meurice, et vous êtes à Zazie. Ok. Alors Zazie, ça avance ce projet de comédie musicale ? Scène Restons zen. Oh là, ah la vache, ouais, t'es sûr de ton coup là pour le rouge et le noir? À fond, Jeanne Masse va être verte. Ah, ah d'accord, mais pourquoi t'as pas choisi d'adapter plutôt Zazie dans le métro? Le métro, j'y mets jamais les pieds. Ouais, d'accord, mais ou alors un livre plus contemporain, comme par exemple, je sais pas, Philippe Delerme, La première gorgée de bière. Avec dans le rôle principal Renaud. Pas mal, ouais, génial, c'est bien ça. Ouais, ou tu pourrais adapter La Sommoire, t'aurais eu l'embarras du choix là. Tu penses à qui? Bah, à tous les chanteurs français de la playlist de France Inter. Je crois que je préfère encore embaucher un chanteur de The Voice. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Et puis le rouge et le noir pour les produits dérivés, c'est super. Ah, là tu m'intéresses là. Par exemple, les gens achèteront tous le livre. Ah, tu veux dire le livret de la comédie musicale? Mais non, le livre de Stendhal. Ah ouais, ouais, c'est aussi un livre, ouais. Ouais, je savais ça. Ouais. Coucou les loulous. Et c'est qui? Ah, c'est Kamel Wally. J'adore le projet, quoi, The Red and the Black. Ouais, voilà, le rouge et le noir. Mais non, mais moi je vois l'international Vegas, quoi, avec Jay-Z et Tom Jones. Je vous laisse deviner qui fera le rouge. j'ai compris. Justement, Kamel, t'as imaginé une choré? J'ai imaginé un truc génial, Macarena géante, Julien Sorel devant, et qui attend Madame de Réna, la côté de la tour des coins, dans Macarena. Ah, attends, mais Macarena, ça, c'est super, ça, Coco. Super, Zazie, super, ça. C'est super, super, vous êtes sûr? Le tout entrecoupé de chansons pop rock, le méga carton. Ah ouais, Stendhal, il est très pop rock, le mec. Ah bah si ça marche, après on fait la chartreuse de Parme. Génial, allez, on transpose ça au Brésil. Au Brésil, Parme. Ah bah ouais. Non, on s'en fout, je suis certain, il a la Corée en tête. Ah bah j'ai la Corée, le personnage principal arrive dans tout le monde et tout le monde fait Fabrice Del Dongo, olé, olé, olé. Voilà un petit peu le niveau. Hein. Voilà. On s'amuse bien chez vous. Merci, madame, vous étiez formidable en Zazie. C'est vrai. Hein, si j'avais pu travailler mon zen. On a envie de vous voir dans une comédie bientôt, tiens. En ce moment, on peut en tout cas vous voir au théâtre. C'est à la Comédie des Champs-Élysées, dans La Rivière, de Jess Butterworth. C'est du mardi au samedi à 20h30. Et le samedi, il y en a un petit peu on plus. On joue deux fois. On vous le met. C'est le samedi à 16h, avec Nicolas Briançon, avec Anne Charrier et Clara Huette. Et la mise en scène est Jérémy Lippmann et Aurélie Bouix. Voilà, parce que la mise en scène est très très belle. On vous le conseille. Emma de Coude, merci beaucoup d'être restée avec nous. Mais merci bien à poilée. Vous, on s'est bien poilé. Je serais bien restée un peu d'ailleurs. Et allez, le mot de la fin, c'est parti. Il est tellement mignon là, avec son petit discours, son petit bras levé, camarade.